Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Hello, capitaine, fais briller tes galons. Et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux, heureux, heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux, mieux, mieux. Nous, c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux, heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux, mieux, mieux. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la calade du net arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme les rhums en photo. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux, heureux, heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux, mieux, mieux. Blessure de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. 3000 du capé, des fois c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape, t'as les tripes qui fermentent. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux, heureux, heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux, mieux, mieux. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. Rhum, rhum, rhum, rhum, rhum, rhum, rhum, rhum, rhum, rhum. Rhum, des femmes et la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, Dieu, Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut, veut, veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte, on...